Bonjour, je m'appelle Avenine Savançon, je suis enseignant-chercheur à Aix-Marseille Université. Ici, on se trouve dans mon laboratoire, le CINAM, Centre interdisciplinaire de nanosciences à Marseille, où je fais ma recherche. Quand j'étais adolescente, on va dire, j'avais envie de faire de la recherche pour sauver le monde, comme beaucoup d'adolescents. Et puis après, en grandissant, je me suis dit non, mais j'y arriverai pas, c'est pas pour moi, c'est trop dur. Du coup, j'ai décidé de faire une IUT mesure physique pour pouvoir dire bon, bah, si j'ai envie de travailler au bout de 2 ans, je pourrai toujours travailler au bout de 2 ans. Et puis finalement, ça a bien marché, je m'en suis bien sortie, j'étais dans les premiers. Et puis j'avais pas envie de m'arrêter comme ça, donc j'ai continué mes études et là je me suis dit que être enseignant ça me plairait bien. Donc j'ai continué à l'université, je suis partie à Grenoble faire une licence maîtrise de physique appliquée. Et lorsque j'ai passé ma maîtrise, j'ai postulé à la fois pour devenir agrégée, donc pour faire une prépa agrég en physique appliquée, où il y avait très très peu de monde en fait pour ce type de prépa. Et puis j'ai quand même, je me suis inscrite en DEA parce que j'avais une enseignante à ce moment-là qui m'avait dit je te verrais bien faire de la recherche, tu devrais essayer. J'avais jamais fait de stage en fait dans un labo de recherche. J'avais toujours été dans des entreprises ou des choses comme ça. Et puis comme il y avait très peu de monde qui était pris à l'agrég, j'ai été prise sur liste complémentaire et du coup j'ai attaqué le DEA et quand j'ai attaqué j'ai su que je pouvais faire la formation pour être enseignante. Mais le DEA m'a bien plu donc je ne suis pas retournée faire l'agrég en me disant je pourrais toujours le faire plus tard. Et quand j'ai fait le stage de DEA, ça m'a beaucoup plu en fait. Je me suis vraiment régalée à faire de la recherche. Alors là c'était sur des domaines totalement différents de ce que je fais actuellement. C'était plutôt sur l'optoélectronique en fait. Donc je faisais des microsystèmes variables. On pouvait faire à la fois une capacité variable et puis un modulateur optique en fait. Donc c'était intéressant. Mais c'était de la recherche très appliquée en fait, très très proche de l'industrie. Et bon, c'était à Grenoble en même temps. Hein. Donc à Grenoble, c'est souvent ça. Enfin, il y a beaucoup de recherches de ce type-là. Et puis donc quand j'ai voulu attaquer ma thèse, je me suis focalisée pour essayer de trouver un laboratoire où il faisait un peu de recherche fondamentale tout en étant expérimentateur. Donc physique appliquée, physique expérimentale et fondamentale. Et c'est comme ça que j'ai rencontré Roger Morin et Zoubida Hamadi, ici même. Donc à l'époque, ça s'appelait CRMC2, Centre de recherche sur les mécanismes de la croissance cristalline. Et ils m'ont proposé une thèse sur un sujet complètement novateur, en sachant pas du tout si ça allait marcher, si ça allait pas marcher. Vraiment, on se lançait, quoi. Du coup, c'était un challenge, ça m'a beaucoup plu. Et j'ai tout fait pour venir ici. Alors, le CINAM, c'est un laboratoire qui a été créé avec la fusion de plusieurs laboratoires. Ici, c'était le Centre de recherche sur les mécanismes de la croissance cristalline. Donc, c'était beaucoup de physiciens des matériaux qui travaillaient dans ce labo. Il y a eu une première fusion qui a été faite, je crois, en 2004, avec le GPEC, alors groupe de physique sur les états condensés. Donc, eux, ils travaillaient déjà beaucoup plus que nous sur la partie observation, imagerie à l'échelle nanométrique. Il y avait des gens comme Salvan, Philippe Dumas, qui étaient vraiment spécialistes, qui avaient travaillé avec les plus grands de la microscopie à champ proche à IBM. Du coup, cette fusion s'est déjà bien tournée vers les nanosciences. Ça a permis de grouper vraiment le savoir-faire des deux labos, quoi. Et puis dernièrement, en 2007, on avait fusionné avec le GCOM, donc c'est un groupe de chimie qui, eux, travaillent beaucoup sur des protéines ou sur des vecteurs de médicaments, en fait. Des systèmes avec les cœurs et des emballages, en fait, autour, qui sont tout petits, tout est relatif. Donc, ça doit faire la dizaine de nanomètres ou quelque chose comme ça. Et c'est ce qui va être utilisé comme vecteur de médicaments, par exemple, pour aller soigner le cancer à un endroit donné ou ce genre de choses. Donc, eux, c'est pareil, ils font plutôt la partie synthèse de molécules, fonctionnalisation de certaines protéines, de certaines molécules. Ils sont vraiment sur la partie chimie. Et du coup, se retrouver avec nous dans un laboratoire de physique, ça leur permet quand même d'avoir l'aspect observation structurale, caractéristiques physiques de leurs objets. Enfin, voilà. Du coup, bon, c'est pas encore complètement effectif parce qu'il faut arriver à trouver un langage commun. C'est pas du tout facile. On n'a pas les mêmes formations et pas les mêmes langages ou les mêmes mots pour désigner les mêmes phénomènes. J'ai un exemple en tête. Par exemple, un chimiste parlera de polarisation de molécules. Un physicien parlera du potentiel appliqué à une particule. Du coup, à un moment donné, il faut savoir de quoi on parle. Est-ce qu'on parle de la même chose? Est-ce qu'il y a des choses en plus dans leurs termes que nous, on ne comprend pas ou qu'on n'a pas? Enfin, voilà. Donc, il faut vraiment arriver à se faire un langage commun et à comprendre ce que racontent les autres pour pouvoir interagir. Sinon, si on n'a pas les mêmes langages, on n'y arrive pas, quoi. Et ça, c'est pas du tout évident, en fait. Ça fait déjà 5 ans qu'on est ensemble. Je commence à comprendre un petit peu ce qu'ils font. Un petit peu. Mais on est loin encore de travailler vraiment complètement ensemble. Je parle des chimistes principalement. Ouais. Et des biologistes, parce qu'on travaille aussi un petit peu avec des biologistes. Mais il n'y en a pas au labo. Au labo, essentiellement, c'est des biophysiciens, c'est-à-dire des gens qui font de la physique et qui travaillent avec des objets biologiques parce qu'ils sont déjà allés dans des labos de biologie. Voilà. Personnellement, par exemple, je travaille sur un sujet où on est censé faire de la détection de molécules uniques pour, à l'arrivée, au final, faire de la translocation d'ADN pour faire le séquençage de l'ADN. Donc là, l'ADN, par exemple, moi, j'y connais rien. Je sais qu'il y a 4 paires de bases. Voilà. Si on arrive à faire le séquençage, grosso modo, ça serait dire, on lit l'alphabet de l'ADN. Mais après, j'en sais pas plus et je sais pas comment on peut fabriquer de l'ADN. Voilà, je sais juste que je peux l'utiliser et dans quelles conditions je peux l'utiliser. Les nanosciences concernent tout ce qui est à l'échelle nanométrique, en fait, c'est-à-dire qu'on va s'intéresser aux objets qui ont des tailles proches du nanomètre ou de la centaine de nanomètres. Alors un nanomètre, c'est 1 milliardième de mètre. C'est-à-dire que si on prend un cheveu, par exemple, il fait en général entre 10 et 100 micromètres. C'est-à-dire qu'on prend 1 millimètre en le coupant 100 et on obtient la taille d'un cheveu. Si on prend ce cheveu et qu'on le coupe en 10 000, on va obtenir le nanomètre. Et les objets que l'on manipule, que l'on observe ou auxquels on s'intéresse dans le laboratoire ont tous des tailles, a priori nanométriques, au moins sur une dimension. On s'intéresse tous à des objets qui sont sur ces dimensions-là et qui peuvent avoir alors, soit des propriétés chimiques, soit des propriétés physiques intéressantes ou pertinentes. Donc forcément, qu'on soit biologiste, chimiste ou physicien, on peut travailler dans les nanosciences. Et du coup, c'est un laboratoire interdisciplinaire pour ces raisons-là, quoi. Alors, quand on parle de nanosciences, ça veut dire qu'on est capable à la fois de voir ces objets-là, de les fabriquer, mais aussi de les manipuler. Donc, du coup, toutes les techniques du labo ou tous les gens qui travaillent dans ce labo sont spécialisés dans un des domaines. Donc, il y en a qui sont spécialisés dans la visualisation de ces particules. Il y en a qui sont spécialisés dans la synthèse de ces particules et d'autres sur la partie manipulation, vraiment arriver à, avec une pince en quelque sorte, à prendre un atome et à le déposer à côté, ou une molécule et à le déposer à côté. Comme ça, arriver à écrire, à faire de la lithographie de taille nanométrique et ce genre de choses, de façon à avoir des propriétés intéressantes derrière. Leurs propriétés, elles sont essentiellement liées à leur taille. Pour vous donner un exemple, l'or qu'on a sur nos bijoux, c'est des tailles macroscopiques. L'or n'est pas réactif. Il n'est pas avec l'air ou avec le CO2 ou avec le monoxyde de carbone, c'est pas du tout réactif. En taille macro. Pourquoi? Parce que si on prend un gros cube d'or, les quelques atomes qui vont pouvoir réagir avec l'extérieur, c'est ceux qui sont en surface. Et donc, on voit bien que si on prend ce gros cube d'or et qu'on le divise en 4 morceaux, eh bien, il y aura beaucoup plus de surface avec l'extérieur. Et donc, les atomes qui vont pouvoir réagir à l'extérieur seront plus nombreux. Et puis, si on divise encore en 4 les 4 morceaux, on aura encore plus de surface. Et ainsi de suite. Donc, les atomes qui réagissent avec l'extérieur, ce sont ceux qui sont à la surface du matériau, enfin du volume, en fait. Donc, on voit que si on prend un gros cube et qu'on le transforme en nanoparticules, les atomes réactifs, ce sont ceux qui sont en surface, seront beaucoup plus nombreux que ceux qui ne sont pas réactifs, qui eux sont dans le volume en fait. Et du coup, la réactivité est essentiellement liée à ça. Et les nanoparticules d'or sont des objets qui sont catalytiques pour la réaction monoxyde de carbone avec oxygène donne CO2. Donc on pourrait très bien utiliser des nanoparticules d'or dans les pots catalytiques par exemple. Alors, souvent, c'est du platine qui est utilisé parce que la catalyse se fait encore mieux. On sait que c'est catalytique déjà à l'échelle macro. Alors, à l'échelle nano, ça l'est encore plus. Mais même l'or qui est inerte en macro devient catalytique à l'échelle nano. Parce que, tout simplement, les atomes en surface sont beaucoup plus nombreux et peuvent beaucoup plus réagir avec l'extérieur. Donc, c'est le principe de beaucoup de nanoparticules, en fait. La plupart du temps, c'est fait en synthétisant en solution. Donc on prend une solution A, une solution B, on fabrique une sorte de précipité, mais au lieu de le faire précipiter avec des échelles macro, on va le faire précipiter sur des échelles nano. Donc pour ça, on va utiliser soit des conditions de température, de mouvement de la solution. On va essayer de faire ça dans des matrices dont on sait qu'elles sont parfaitement calibrées en taille, et donc du coup on va faire diffuser des liquides et ça va réagir à l'intérieur. Enfin voilà, il va y avoir différentes possibilités pour pouvoir fabriquer ces nanomatériaux. Il y a deux approches en fait qui sont faites. Soit on fait le bottom-up, c'est-à-dire qu'on part de la petite particule, donc l'atome, et on les assemble entre eux. Soit on fait le top-down, et à ce moment-là, on prend un gros morceau et puis on le rétrécit petit à petit pour former la nanoparticule. Le plus rapide, a priori, c'est quand même de synthétiser et d'arriver à faire directement la nanoparticule qui s'auto-assemble, en fait. Ça s'appelle l'auto-assemblage. Mais c'est connu depuis des millénaires. Le premier à faire de l'auto-assemblage, ça a été Kepler, quand il s'est intéressé à la neige et à la façon dont les flocons se formaient, quoi. Donc, c'est pas quelque chose de nouveau. Simplement, c'est des choses qui... actuellement, on a pris beaucoup d'essor parce qu'on s'est rendu compte que les propriétés étaient super intéressantes. On arrive à en synthétiser des nouveaux, donc du coup, il y a un champ des possibles qui est ouvert. Synthèse de nouveaux matériaux, synthèse de nanoparticules, dit fabrication de nouveaux matériaux avec des propriétés nouvelles. Donc ces nouveaux matériaux, ça va être quoi? Ça va être par exemple des caoutchoucs auto-réparants. Il y a une entreprise à Marseille qui fait ça, où ils ont des lunettes qui s'auto-réparent. Les montants des lunettes se cassent, comme c'est du caoutchouc qui est poreux à l'intérieur avec une porosité de taille nanométrique. Les liaisons hydrogène se recombinent après cassure et donc ça se répare seul. Donc ça, c'est des propriétés de certains nanomatériaux. Du coup, ça va toucher voilà, les lunettes, ça va toucher les raquettes de tennis. À peu près tout ce qu'on a autour de nous actuellement est composé de nanomatériaux ou va être composé de nanomatériaux. Pour vous donner une idée, dans le domaine de la beauté et du fitness, il y a énormément de nanoparticules qui sont employées. Alors, je ne vous dirai pas que je suis pour l'utilisation de ces nanoparticules à outrance, bien au contraire, notamment dans des domaines où on sait que les nanoparticules sont rejetées au bout de quelques temps dans la nature et qu'on sait qu'elles sont très réactives. Donc forcément, ça va avoir un impact sur la nature et sur l'environnement. Dans le fitness, il y a des chaussettes, par exemple, qui ne puent pas. Donc des chaussettes qui contiennent des nanoparticules d'argent, puisque l'argent est antibactérien, on le sait depuis très longtemps. Évidemment, sous forme de nanoparticules, ça va réagir encore plus puisque la superficie des nanoparticules en contact avec l'extérieur, avec très très peu d'argent, est immense en fait. Donc du coup, c'est vrai que ces chaussettes ne sentent pas quand elles ont été portées 5 ou 6 fois. Mais au bout de 5 ou 6 fois, elles sont passées aussi 5 ou 6 fois au lavage et ces nanoparticules sont parties dans les eaux de rivière. Donc voilà. Là, on sait que c'est antibactérien, donc ces nanoparticules se retrouvent dans les rivières après. Et le développement de la faune des rivières n'est pas forcément très bon s'il y a des nanoparticules d'argent. Voilà, il y a effectivement beaucoup d'applications qui ne sont pas forcément toutes positives ou toutes faites à bon escient. Il se trouve que c'est là qu'il y a l'argent et que c'est là que les industriels mettent le paquet pour l'utilisation de ces nanoparticules. Au niveau de la beauté, il y a des nanoparticules dans les crèmes solaires, beaucoup. Il y a des nanoparticules dans les dentifrices, dans les déodorants, ce genre de choses. Et donc ça, c'est pareil. On sait que les nanoparticules passent les barrières, franchissent les barrières de la peau et parfois même, si elles sont inférieures à 80 nanomètres, à une barrière pulmonaire. Et on sait que c'est très réactif. Donc, est-ce que c'est bien d'employer ce type de choses dans les produits de beauté? Voilà. On peut se poser la question. Nous, en tant que scientifiques, dans les laboratoires, on essaye de faire connaître aux gens ce genre de choses, ce genre de pratiques, tout en disant il y a des choses qui sont par contre extrêmement positives. Et travailler dans ce domaine-là, au niveau de la recherche, peut apporter des choses très positives, notamment sur le traitement des cancers, par exemple. Aller cibler la cellule malade avec des vecteurs de taille nanométrique qui disent « Ok, je vais aller sur cette cellule particulièrement et je vais pouvoir délivrer du coup des médicaments qui normalement seraient trop toxiques, ingurgités en grosse quantité. » Et là, parce que c'est ciblé, parce qu'il y a juste la dose qu'il faut pour la cellule, on est sûr de soigner la personne malade et correctement. Donc de plus en plus, on voit ce type de choses apparaître dans les traitements anticancéreux. Et ça, c'est positif, a priori. Enfin, je vois mal quelqu'un qui me dirait que c'est inintéressant. Au niveau d'autres types d'applications, il y a effectivement la microélectronique aussi. Donc là, vous avez dû déjà entendre parler, j'imagine, de la loi de Moore, où ils disent que la taille des composants microélectroniques diminue. Et donc, le coût du composant microélectronique diminue aussi au fur et à mesure et sa capacité augmente exponentiellement avec le temps. Ça, c'est plus vrai depuis 5 ans, à peu près, puisque forcément, on est arrivé à une taille limite où il y a d'autres phénomènes qui entrent en jeu et donc, du coup, les dimensions ne peuvent plus être réduites. Cependant, on arrive quand même à des tailles de l'ordre de la dizaine de nanomètres pour les tailles de grilles qui sont utilisées dans les circuits microélectroniques, dans les transistors. Là, effectivement, on travaille quand même beaucoup. Il y a pas mal de gens dans le labo qui travaillent en collaboration avec des entreprises comme ST Microelectronics, qui essayent de faire des nouveaux montages qui seraient encore plus petits ou qui utiliseraient des technos équivalentes pour avoir des communications, des techniques de communication plus rapides et plutôt sur le côté communication, informatique, téléphonie mobile, etc. Il y a des milliers de choses qui n'ont pas été faites encore dans ce domaine-là. Et puis on rentre dans le domaine aussi de la mécanique quantique, c'est-à-dire qu'il faut voir que les bases de la mécanique quantique au niveau théorique ont été mise en place au moment où il y avait Einstein dans les années 1904-1906, par là. Et depuis, l'expérience a rejoint la théorie, en quelque sorte. On arrive à montrer les effets quantiques sur des petites particules ou sur des jonctions. Et ça, c'est quand même assez frappant. Et tout n'a pas été montré encore. Il y a encore plein de choses à voir. Le boson de Higgs, par exemple, c'est quelque chose qui avait été mis en place au niveau théorique pour pouvoir expliquer certaines choses qui avaient été observées. Et on n'avait jamais vu cette particule, on n'avait jamais détecté cette particule. Elle a été détectée dernièrement et ça y est, on est sûr qu'elle existe. Une nouvelle théorie comme ça, de la mécanique quantique en général, il y en a pour un petit moment avant qu'au niveau expérimental, on ait rejoint toutes les théories qu'ils ont pu mettre en place liées à ça. J'ai pu faire mes 3 ans de thèse sur le sujet que j'avais choisi. Alors ce sujet, c'était source ponctuelle d'ions à structure coaxiale. Alors en fait, c'était un nouveau type de source qui était basé sur l'ionisation de champ. Sachant que l'ionisation de champ, c'est ce qui a permis à Erwin von Müller, en 1951, de voir les atomes pour la première fois. C'est-à-dire personne d'autre n'avait jamais vu d'atomes avant. Et pour la première fois, lui, il a fait des images d'une pointe qui avait été taillée avec des ions qui étaient émis au bout et l'impact des ions sur l'écran correspondait à la position des atomes sur la pointe. donc grandi. Du coup, on voyait la façon dont les atomes étaient arrangés sur la pointe. Donc, c'est un cliché fantastique et un truc extraordinaire. Il n'a pas eu le prix Nobel sur le coup parce que c'était au moment où on sortait de la guerre et il était un peu nasillon sur les bords. Donc, il n'a jamais eu le prix Nobel. Il l'a eu a posteriori lorsque Bennig a eu son prix Nobel pour STM, où lui aussi a vu les atomes à la surface. Et lorsqu'on lui a donné à lui, on ne pouvait pas dire que c'était lui qui avait vu les atomes pour la première fois. Donc du coup, ils l'ont donné aussi post-mortem, finalement, à Erwin von Müller. Alors, le STM, ça veut dire microscope à force atomique, puisque c'est en anglais, ça veut dire scanning tunneling microscope. C'est un microscope qui va sonder à travers une petite pointe, en fait, qui est de taille nanométrique. En bout de pointe, ça fait la taille nanométrique. Et cette pointe va balayer une surface, un peu comme le ferait un diamant sur un tourne-disque. Donc on a un courant qui va passer entre la pointe et l'échantillon. Donc il faut que l'échantillon soit métallique, a priori. Et ce courant va être fixe. C'est-à-dire qu'on va avoir un système automatisé qui va permettre de conserver ce courant fixe. Et le courant est fixé par la distance qu'il y a entre la pointe et l'échantillon. Du coup, en maintenant un courant fixe, on maintient la distance fixe. Et donc on voit bien que si on veut maintenir cette distance fixe, il va falloir automatiser les déplacements de la pointe au-dessus de l'échantillon, et on va pouvoir ainsi remonter à la topographie de la surface de l'échantillon et avoir une information sur la structure atomique de l'échantillon qui a priori est métallique dans ce cas-là. La thèse s'était basée sur ces principes-là, donc l'ionisation de champ. Mais cette fois, c'était pas essayer de voir les atomes qui étaient en superficie de la pointe, c'était essayer de fabriquer une source d'ions avec un courant important. Donc un faisceau d'ions qui soit homogène, divergent, qui provienne d'une source toute petite. Et du coup, avec ça, on peut essayer de créer un faisceau dit cohérent. Et du coup, avoir plein d'applications liées à ça. Les applications, ça peut être aussi bien de l'imagerie que intégrer ces sources dans des faisceaux d'ions focalisés de façon à faire des scies de taille nanométrique. Enfin voilà, donc on était vraiment sur un domaine un peu chaud. Ce qu'on fait de l'ionisation de champ ou de l'émission d'électrons par effet de champ, on utilise une pointe ultra fine de tungstène. Ici, en bout de pointe, lorsqu'elle est polarisée, cette pointe, donc là je la représente grosse avec un bout très fin. Si on polarise cette pointe positivement par rapport à une contre-électrode en face, qui elle est à la masse par exemple, ici il y a un champ électrique intense qui se produit juste en bout de pointe. C'est vraiment le paratonnerre, quoi, la même chose. Hein. Il y a tout le champ qui se ramène à cet endroit-là particulièrement. Et donc de cet endroit-là, si ici c'est polarisé positivement, vous voyez bien que si on a un atome au bout, il y a l'électron qui est dans l'atome qui va être attiré par ce champ électrique intense et il va rentrer dans la pointe en fait. Ça va tunneler en fait, c'est vraiment un effet tunnel qui se passe ici, donc c'est un mécanisme quantique. Donc il y a un électron qui tunnelle dans la pointe, et du coup vous voyez bien qu'on va créer un ion positif ici, et cet ion positif va être repoussé par la polarité positive de la pointe. Donc vous voyez bien maintenant que comme il y a une polarité ici, on vient polariser la pointe, et qu'il y a du gaz, il peut y avoir des claquages, des arcs qui se créent un peu de partout. Donc il fallait amener le gaz en bout de pointe sans avoir de claquage nulle part. Du coup, l'idée de ma thèse, c'était ça, d'amener le gaz à travers un cylindre, en fait. Donc on mettait la pointe dans ce cylindre qui permettait de guider le gaz jusqu'au bout de la pointe. Du coup, ici, le gaz était confiné à ce moment-là. Et puis là, on pouvait avoir un vide assez important. Donc déjà, pas de claquage de ce côté-là. Maintenant, le truc, c'est si la pointe est là et qu'on amène le gaz par ici, eh bien, c'est pareil, on n'arrive pas à s'affranchir des arcs qui sont de ce côté-là. Au début, ce n'était pas gagné. La première source que j'ai faite, c'était une source d'UV, parce que lorsqu'il y a des claquages comme ça qui se font, je les faisais ici, en fait, de ce côté-là, parce que j'ai amené la tension ici. Et là, on a des claquages qui se font, et lorsqu'on a ça, on a émission de lumière à différentes longueurs d'onde. Et notamment, j'avais des UV qui étaient guidés par le tube en quartz que j'avais mis, en fait. Et donc, sur mon écran fluorescent, au départ, ce n'était pas des ions que je voyais, mais des UV. Donc ça, c'est pareil, il faut arriver à déterminer qu'est-ce qu'on voit, comment ça se fait qu'on voit ça. Donc c'est rigolo. Après, il faut voir que sur 3 ans, j'ai monté une manip, puisque c'est tout sous vide. Donc j'ai récupéré des brides, des hublots, des pompes, des choses comme ça. J'ai assemblé tout ça pour faire une nouvelle expérience, finalement, sous ultra-vide. Après, une fois que j'avais mon montage, j'ai commencé les premiers essais. Donc ça, c'était lors de la 2e année. Là, j'ai vu les UV. Je me suis rendu compte qu'il fallait essayer de faire ça de ce côté-là, du côté ultra-vide. À ce moment-là, il fallait faire tout un montage de micromécanique. Donc, j'ai travaillé avec le micromécanicien du laboratoire. Tout ça, ça prend du temps, quoi. Dès qu'on a de la physique expérimentale et des verrous expérimentaux comme ça, ça prend du temps de les résoudre parce que il faut déjà réfléchir au bon montage, aller voir les personnes qui correspondent pour pouvoir faire les modifications, tout ça. Et du coup, la 2e année, j'ai réussi à faire le montage qui correspondait à peu près. Puis la 3e année, j'ai caractérisé la source et j'ai écrit le manuscrit. Donc voilà, ça va très vite, 3 ans, ça passe très très vite. Et en même temps, après coup, quand on est enseignant-chercheur, on se dit, on n'a que le temps de faire ça en thèse, c'est fabuleux. C'est vraiment un temps extraordinaire. Ces 3 ans-là, c'est un super souvenir, je pense, pour beaucoup de gens qui ont fait une thèse. La technique que j'ai employée, c'est de séparer mon montage en deux. Ici, j'ai fait d'un côté j'avais d'un côté le système qui était électrifié sous vide. Donc là, on était vraiment dans la partie ultra vide. Et puis de ce côté-là, j'avais un autre tuyau où là, on était à pression plus élevée. Et donc là, il n'y avait plus du tout d'amener de tension là où il y avait la pression élevée. Donc plus de claquage, et on a résolu tous les problèmes pour pouvoir arriver à faire ce genre de choses. Et donc si on arrive à amener suffisamment de gaz ici autour, on peut imaginer avoir un faisceau d'ion extrêmement intense, et qui provient tout du même point, c'est-à-dire du bout de la pointe, et produit à la même énergie, puisqu'on fixe l'énergie ici. Donc là, on a à la sortie un faisceau qui a la même énergie, qui provient d'un seul point source. Donc ça veut dire qu'on a un faisceau cohérent. Voilà. Donc à partir de là, si on met un objet, par exemple ici devant, qu'on met un écran un peu plus loin, un écran fluorescent sensible aux ions, eh bien on va pouvoir faire l'imagerie de cet objet qui est là, et directement, sans avoir de pénombre, sans avoir de choses comme ça qui interviennent. Et donc on va pouvoir grossir des objets, éventuellement, qui sont posés sur cette grille, et voir l'objet à des grossissements de 1 million, par exemple, ce genre de choses. Ça, c'est un type d'application. Il y en a plein d'autres. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on a un faisceau d'ion ici, qui est divergent, donc ça veut dire qu'il va partir avec un certain angle ici. Après, on peut le faire refocaliser à un endroit sur une surface. Et ici, on a un faisceau d'ion à une énergie assez élevée. On peut monter ici éventuellement même l'énergie si on veut. Et du coup, si on a une surface ici, on peut l'usiner sur des dimensions qui correspondent à la focalisation du point ici, et qui, théoriquement, peut correspondre à la taille du point source qui est ici. Donc du coup, on peut faire des scies de taille plus petite que le nanomètre, quoi, si on veut. Ça peut être tout. Ce qu'il y a, c'est qu'on est sous vide. Donc ça veut dire qu'il faut que ça supporte le passage en vide. Du coup, a priori, les objets biologiques, c'est pas forcément bienvenu. Maintenant, suivant les manips, on peut arriver à monter un petit peu en pression, au moins localement. Donc ça s'appelle les microscopes environnementaux. Et à ce moment-là, on peut arriver à imager aussi un peu tout ce qu'on veut. Donc voilà, du coup, j'ai fait 3 ans où je me suis régalée, j'ai vu des choses nouvelles, j'étais la première à les voir au monde. Donc ça, c'était vraiment quelque chose qui m'a beaucoup motivée. Comment éviter les arcs, comment faire en sorte d'apporter autant de gaz autour de la pointe, tout en maintenant un vide important de l'autre côté pour que les ions puissent se propager. Enfin, il y avait plein de petits verrous technologiques à régler finalement, et qui se sont réglés au fur et à mesure de ma thèse, quoi. Donc au départ, j'avais pas forcément les bonnes caractéristiques, et puis petit à petit, j'ai amélioré le montage, et actuellement, elle fonctionne sur le principe au moins de ce que j'avais mis au départ. Mes directeurs de thèse, lorsque la manip a marché, que ça a donné des résultats, ont hésité entre breveter le truc ou écrire une pubie, parce que écrire une pubie, c'est quand même beaucoup plus rapide. Moi, ça me servait pour pouvoir derrière postuler, pour aller sur des concours de maître de conf ou ce genre de choses. Et donc, du coup, on a fait une publication, chose que tout le monde m'a reproché derrière, parce que le brevet, quand même, sur des trucs comme ça, ça peut être intéressant. Parce qu'effectivement, elle est utilisée dans plein de domaines, maintenant, cette source-là. Et elle a des caractéristiques qui sont phénoménales. Thank you.